La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 3e, Les Romains et leurs faux dieux. Chapitre 22. De l'ordre donné par Mithridate de tuer tous les citoyens romains qu'on trouverait en Asie. Je passe, dis-je, tout cela sous silence. Mais puis-je taire l'ordre donné par Mithridate, roi de Pont, de mettre à mort le même jour tous les citoyens romains qui se trouveraient en Asie, où un si grand nombre séjournait pour leurs affaires privées, ce qui fut exécuté. Quel épouvantable spectacle! Partout où se rencontre un Romain, à la campagne, par les chemins, à la ville, dans les maisons, dans les rues, sur les places publiques, au lit, à table, partout, à l'instant, il est impitoyablement massacré. Quelles furent les plaintes des mourants, les larmes des spectateurs ou peut-être même des bourreaux? Et quelle cruelle nécessité imposée aux hôtes de ces infortunés, non seulement de voir commettre chez eux tant d'assassinats, mais encore d'en être eux-mêmes les exécuteurs? De quitter brusquement le sourire de la politesse et de la bienveillance pour exercer au milieu de la paix le terrible devoir de la guerre et recevoir intérieurement le contre-coup des blessures mortelles qu'ils portaient à leurs victimes. Tous ces Romains avaient-ils donc méprisé les augures? N'avaient-ils pas des dieux publics et des dieux domestiques à consulter avant que d'entreprendre un voyage si funeste? S'ils ne l'ont pas fait, nos adversaires n'ont pas sujet de se plaindre de la religion chrétienne, puisque longtemps avant les Romains méprisaient ces vaines prédictions et s'ils l'ont fait, quel profit en ont-ils retiré alors que les lois, du moins les lois humaines, autorisaient ces superstitions? Chapitre 23. Des maux intérieurs qui affligèrent la République romaine, à la suite d'une rage soudaine, dont furent atteints tous les animaux domestiques. Rapportons maintenant le plus succinctement possible des maux d'autant plus profonds qu'ils furent plus intérieurs, je veux parler des discordes qu'on a tort d'appeler civiles, puisqu'elles sont mortelles pour la cité. Ce n'étaient plus des séditions, mais de véritables guerres où l'on ne s'amusait pas à répondre à un discours par un autre, mais où l'on repoussait le fer par le fer. Guerre civile, guerre des alliés, guerre des esclaves, que de sang romain répandu parmi tant de combats. Quelle désolation dans l'Italie, chaque jour des peuplés. On dit qu'avant la guerre des alliés tous les animaux domestiques, chiens, chevaux, ânes, bœufs, devinrent tout à coup tellement farouches qu'ils sortirent de leurs étables et s'enfuirent çà et là, sans que personne pût les approcher autrement qu'au risque de la vie. Voyez Eurose, Histoire, livre 5, chapitre 18. Quel mal ne présageait pas un tel prodige, qui était déjà un grand mal, même s'il n'était pas un présage? Supposez qu'un pareil accident arrivât de nos jours, vous verriez les païens plus enragés contre nous que ne l'étaient contre eux leurs animaux. Chapitre 24. De la discorde civile qu'alluma l'esprit séditieux des Gracques. Le signal des guerres civiles fut donné par les séditions qui excitèrent les Gracques à l'occasion des lois agraires. Ces lois avaient pour objet de partager au peuple les terres que la noblesse possédait injustement. Mais vouloir extirper une injustice si ancienne, c'était une entreprise non seulement périlleuse, mais encore, comme l'événement l'a prouvé, des plus pernicieuses pour la République. Quelles funérailles suivirent la mort violente du premier des Gracques, et, peu après, celle du second. Au mépris des lois et de la hiérarchie des pouvoirs, c'était la violence et les armes qui frappaient tour à tour les plébéiens et les patriciens. On dit qu'après la mort du second des Gracques, le consul Lucius Opimius, qui avait soulevé la ville contre lui et entassé les cadavres autour du tribun immolé, poursuivit les restes de son parti selon les formes de la justice et fit condamner à mort jusqu'à 3000 hommes, d'où l'on peut juger combien de victimes avaient succombé dans la chaleur de la sédition. Puisqu'un si grand nombre fut atteint par l'instruction régulière du magistrat. Le meurtrier de Caius Gracchus vendit sa tête au consul son pesant d'or. C'était le prix fixé avant ce massacre, où périt aussi le consulaire Marcus Fulvius avec ses enfants. Chapitre 25. Du temple élevé à la Concorde par décret du Sénat, dans le lieu même signalé par la sédition et le carnage. Ce fut assurément une noble pensée du Sénat que le décret qui ordonna l'érection d'un temple à la Concorde dans le lieu même où une sédition sanglante avait fait périr tant de citoyens de toutes conditions, afin que ce monument du supplice des Gracques parlât aux yeux et à la mémoire des orateurs. Et cependant n'était-ce pas se moquer des dieux que de construire un temple à une déesse qui, si elle eût été présente à Rome, l'eût empêchée de se déchirer et de périr par les dissensions? À moins qu'on ne dise que la Concorde, coupable de ces tumultes pour avoir abandonné le cœur des citoyens, méritait bien d'être enfermée dans ce temple comme dans une prison. Si l'on voulait faire quelque chose qui eût du rapport à ce qui s'était passé, pourquoi ne bâtissait-on pas plutôt un temple à la Discorde? Y a-t-il des raisons pour que la Concorde soit une déesse, et la Discorde non? Celle-là bonne et celle-ci mauvaise, selon la distinction de l'Abéon, suggérée sans doute par la vue du temple que les Romains avaient érigé à la fièvre aussi bien qu'à la santé. Pour être conséquent, il devait en dédier un non seulement à la Concorde, mais aussi à la Discorde, il s'exposait à de trop grands périls en négligeant d'apaiser la colère d'une si méchante déesse, et il ne se souvenait plus que son indignation avait été le principe de la ruine de Troie. Ce fut elle, en effet, qui, pour se venger de ce qu'on ne l'avait point invité avec les autres dieux aux noces de Pélée et de Tétis, mit la division entre les trois déesses, Junon, Pallas et Vénus, en jetant dans l'assemblée la fameuse pomme d'or, d'où prit naissance le différend de ces divinités, la victoire de Vénus, le ravissement d'Hélène et enfin la destruction de Troie. C'est pourquoi si elle s'était offensée de ce que Rome n'avait pas daigné lui donner un temple comme elle avait fait à tant d'autres, et si ce fut pour cela qu'elle y excita tant de troubles et de désordres, son indignation dut encore s'accroître quand elle vit que dans le lieu même où le massacre était arrivé, c'est-à-dire dans le lieu où elle avait montré de ses œuvres, on avait construit un temple à son ennemi. Les savants et les sages s'irritent contre nous quand nous tournons en ridicule toutes ces superstitions, et toutefois, tant qu'ils resteront les adorateurs des mauvaises comme des bonnes divinités, ils n'auront rien à répondre à notre dilemme sur la Concorde et la Discorde. De deux choses l'une, en effet, où ils ont négligé le culte de ces deux déesses, et leur ont préféré la fièvre et la guerre, qui ont eu des temples à Rome de toute antiquité, où ils les ont honorés, et alors je demande pourquoi ils ont été abandonnés par la Concorde et poussés par la Discorde jusqu'à la fureur des guerres civiles. Chapitre 26. Des guerres qui suivirent la construction du temple de la Concorde. Ils crurent donc, en mettant devant les yeux des orateurs un monument de la fin tragique des Gracques, avoir en merveilleux obstacle contre les séditions, mais les événements qui suivirent, plus déplorables encore, firent paraître l'inutilité de cet expédient. À partir de cette époque, en effet, les orateurs, loin de songer à éviter l'exemple des Gracques, s'étudièrent à les surpasser. C'est ainsi que Saturninus, tribun du peuple, le préteur Caius Servilius, et, quelques années après, Marcus Drusus, exciter d'horribles séditions, d'où naquirent les guerres sociales qui désolèrent l'Italie et la réduisirent à un état déplorable. Puis vint la guerre des esclaves, suivie elle-même des guerres civiles pendant lesquelles il se livra tant de combats et qui coûtèrent tant de sang. On eût dit que tous ces peuples d'Italie, dont se composait la principale force de l'Empire romain, étaient des barbares à dompter. Rappellerai-je que 70 gladiateurs commencèrent la guerre des esclaves, et que cette poignée d'hommes, croissant en nombre et en fureur, en vint à triompher des généraux du peuple romain? Comment citer toutes les villes qu'ils ont ruinées, toutes les contrées qu'ils ont dévastées? À peine les historiens suffisent-ils à décrire toutes ces calamités. Et cette guerre ne fut pas la seule faite par les esclaves. Ils avaient auparavant ravagé la Macédoine, la Sicile et toute la côte. Enfin, qui pourrait raconter toutes les atrocités de ces pirates, qui, après avoir commencé par des brigandages, finirent par soutenir contre Rome des guerres redoutables? Chapitre 27. De la guerre civile entre Marius et Sylla. Marius, encore tout sanglant du massacre de ses concitoyens, ayant été vaincu à son tour et obligé de s'enfuir, Rome commençait un peu à respirer, quand Cinna et lui rentrèrent plus puissants que jamais. Ce fut alors, pour me servir des expressions de Cicéron, que l'on vit, par le massacre des plus illustres citoyens, s'éteindre les flambeaux de la République. Sylla vengea depuis une victoire si cruelle, mais à combien de citoyens il en coûta la vie, et que de pertes sensibles pour l'État. Cicéron, 3e Catilina. En effet, la vengeance de Sylla fut plus funeste à Rome que n'eût été l'impunité, et comme dit Lucain, le remède passa toute mesure, et l'on porta la main sur des parties malades où il ne fallait pas toucher. Les coupables périrent, mais quand il ne pouvait survivre que des coupables. Alors la haine se donna carrière, et la vengeance, libre du joug des lois, précipita ses fureurs. Lucain, La Pharsale, livre 2, vers 142 à 146. Dans cette lutte de Marius et de Sylla, outre ceux qui furent tués sur le champ de bataille, tous les quartiers de la ville, les places, les marchés, les théâtres, les temples même étaient remplis de cadavres, à ce point qu'on n'aurait pu dire si c'était avant ou après la victoire qu'il était tombé plus de victimes. De retour de son exil, Marius eut à peine rétabli sa domination, qu'on vit, sans parler d'innombrables assassinats qui se commirent de tous côtés, la tête du consul Octavius exposée sur la tribune Warang, César et Fimbria tués dans leur maison, les deux Crassus, le père et le fils, égorgés sous les yeux l'un de l'autre, Bebius et Numitorius traînés par les rues et mis en pièces, Catulus forcé de recourir au poison pour se sauver des mains de ses ennemis, Mérula, flamme de Jupiter, s'ouvrant les veines et faisant aux dieux une libation de son propre sang. Enfin on massacrait sous les yeux de Marius tous ceux à qui il ne donnait pas la main quand il le saluait. Voyez Appien, Histoire des guerres civiles, livre 1er, chapitre 71, et Plutarque, Vie de Marius et de Sylla. Chapitre 28. Comment Sylla victorieux tira vengeance des cruautés de Marius. Sylla, qui vint tirer vengeance de ses cruautés au prix de tant de sang, mit fin à la guerre, mais comme sa victoire n'avait pas détruit les inimitiés, elle rendit la paix encore plus meurtrière. À toutes les atrocités du premier Marius, son fils Marius le Jeune et Carbon en ajoutèrent de nouvelles. Instruits de l'approche de Sylla et désespérant de remporter la victoire, et même de sauver leur tête, Ils remplirent Rome de massacres où leurs amis n'étaient pas plus épargnés que leurs adversaires. Ce ne fut pas assez pour eux de décimer la ville, ils assiégèrent le Sénat et tirèrent du palais, comme d'une prison, un grand nombre de sénateurs qu'ils firent égorger en leur présence. Le pontife Mucius Evola fut tué au pied de l'autel de Vesta, où il s'était réfugié comme dans un asile inviolable, et il s'en fallut de peu qu'il n'éteignît de son sang le feu sacré entretenu par les Vestales. Bientôt Sylla entra victorieux à Rome, après avoir fait égorger dans une ferme publique 7000 hommes désarmés sans défense. Ce n'était plus la guerre qui tuait, c'était la paix. On ne se battait plus contre ses ennemis, un mot suffisait pour les exterminer. Dans la ville, les partisans de Sylla massacrèrent qui bon leur sembla, les morts ne se comptaient plus, jusqu'à ce qu'enfin on conseilla à Sylla de laisser vivre quelques citoyens, afin que les vainqueurs eussent à qui commander. Alors s'arrêta cette effroyable liberté du meurtre, et on accueillit avec reconnaissance la table de proscription où étaient portés 2000 noms de sénateurs et de chevaliers. Ce nombre, si attristant qu'il pût être, avait au moins cela de consolant qu'il mettait fin au carnage universel, et on s'affligeait moins de la perte de tant de proscrits qu'on ne se réjouissait de ce que le reste des citoyens n'avait rien à craindre. Mais malgré cette cruelle sécurité, on ne laissa pas de gémir des divers genres et de supplices qu'une férocité ingénieuse faisait souffrir à quelques-unes des victimes dévouées et à la mort. Il y en eut un que l'on déchira à belles mains, et on vit des hommes plus cruels pour un homme vivant que les bêtes farouches ne le sont pour un cadavre. Voyez Florus, abrégé de l'histoire romaine, livre 3, chapitre 21. On arracha les yeux à un autre, Marcus Marius, parent du rival de Sylla, et on lui coupa tous les membres par morceaux, puis on le laissa vivre ou plutôt mourir lentement au milieu de tortures effroyables. On mit des villes célèbres à l'encan, comme on aurait fait d'une ferme, il y en eut même une dont on condamna à mort tous les habitants, comme s'il se fût agi d'un seul criminel. Toutes ces horreurs se passèrent en pleine paix, non pour hâter une victoire, mais pour n'en pas perdre le fruit. Il y eut entre la paix et la guerre une lutte de cruauté, et ce fut la paix qui l'emporta, car la guerre n'attaquait que des gens armés, au lieu que la paix immolait des hommes sans défense. La guerre laissait à l'homme attaqué la faculté de rendre blessure pour blessure, la paix ne laissait aux vaincus, à la place du droit de vivre, que la nécessité de mourir sans résistance. Chapitre 29. Rome eut moins à souffrir des invasions des Gaulois et des Goths que des guerres civiles. Quel acte cruel des nations barbares et étrangères peut être comparé à ces victoires de citoyens sur des citoyens, et Rome a-t-elle jamais rien vu de plus funeste, de plus hideux, de plus déplorable? Y a-t-il à mettre en balance l'ancienne irruption des Gaulois, ou l'invasion récente des Goths, avec ces atrocités inouïes exercées par Marius, par Sylla, par tant d'autres chefs renommés, sur des hommes qui formaient avec eux les membres d'un même corps? Il est vrai que les Gaulois égorgèrent tout ce qu'ils trouvèrent de sénateurs dans Rome, mais au moins permirent-ils à ceux qui s'étaient sauvés dans le Capitole, et qu'ils pouvaient faire périr par un long siège, de racheter leur vie à prix d'argent. Quant aux Goths, ils épargnèrent un si grand nombre de sénateurs, qu'on ne saurait affirmer s'ils en tuèrent en effet quelques-uns, mais Sylla, du vivant même de Marius, entra dans le Capitole, qu'avaient respecté les Gaulois, et ce fut de là qu'il dicta en vainqueur ses arrêts de mort et de confiscation, qu'il fit autoriser par un senatus consulte. Et quand Marius, qui avait pris la fuite, rentra dans Rome en l'absence de Sylla, plus féroce et plus sanguinaire que jamais, Eut-il rien de sacré qui échappa à sa fureur, puisqu'il n'épargna pas même Mucius Scaevola, citoyen, sénateur et pontife, qui embrassait l'autel où on croyait les destins de Rome attachés? Enfin, cette dernière proscription de Sylla, pour ne point parler d'une infinité d'autres massacres, ne fit-elle point périr plus de sénateurs que les Goths n'en ont pu même dépouiller? Chapitre 30. De l'enchaînement des guerres nombreuses et cruelles qui précédèrent l'avènement de Jésus-Christ. Quel est donc l'effronterie des païens, quelle audace à eux, quelle déraison, ou plutôt quelle démence, de ne pas imputer leurs anciennes calamités à leur Dieu et d'imputer les nouvelles à Jésus-Christ. Cette guerre civile, plus cruelle, de l'aveu de leurs propres historiens, que les guerres étrangères, et qui n'ont pas seulement agité, mais détruit la République, sont arrivées longtemps avant Jésus-Christ, et par un enchaînement de crimes, se rattachent de Marius et Sylla à Sertorius et Catilina, le premier proscrit et l'autre reformé par Sylla. Vint ensuite la guerre de Lépide et de Catulus, dont l'un voulait abroger ce qu'avait fait Sylla et l'autre le maintenir, puis la lutte de Pompée et de César, celui-là partisan de Sylla qui l'égala ou surpassa même en puissance, celui-ci, qui ne put souffrir la grandeur de son rival et l'a voulu dépasser encore après l'avoir vaincu, puis enfin, nous arrivons à ce grand César, qui fut depuis appelé Auguste, et sous l'empire duquel naquit le Christ. Or, Auguste, lui aussi, prit part à plusieurs guerres civiles où périrent beaucoup d'illustres personnages, entre autres cet homme d'État si éloquent, Cicéron. Quant à Jules César, après avoir vaincu Pompée, et usé avec tant de modération de sa victoire, qu'il pardonna à ses adversaires et leur rendit leur dignité, il fut poignardé dans le Sénat par quelques patriciens, prétendus vengeurs de la liberté romaine, sous prétexte qu'il aspirait à la royauté. Après sa mort, un homme d'un caractère bien différent et tout perdu de vice, Marc-Antoine, affecta la même puissance, mais Cicéron lui résista vigoureusement, toujours au nom de ce fantôme de liberté. On vit alors s'élever cet autre César, fils adoptif de Jules, qui depuis, comme je l'ai dit, fut nommé Auguste. Cicéron le soutenait contre Antoine, espérant qu'il renverserait cet ennemi de la République et rendrait ensuite la liberté aux Romains. Chimère d'un esprit aveuglé et imprévoyant peu après, ce jeune homme, dont il avait caressé l'ambition, livra sa tête à Antoine comme un gage de réconciliation, et confisqua à son profit cette liberté de la République pour laquelle Cicéron avait fait tant de beaux discours. Chapitre 31. Il y a de l'impudence aux gentils à imputer les malheurs présents au christianisme, et à l'interdiction du culte des dieux, puisqu'il est avéré qu'à l'époque où florissait ce culte, ils ont eu à subir les plus horribles calamités. Qu'ils accusent donc leur Dieu de tant de maux, ces mêmes hommes qui se montrent si peu reconnaissants envers le Christ. Certes, quand ces maux sont arrivés, la flamme des sacrifices brûlait sur l'autel des dieux, l'encens de l'Arabie s'y mêlait au parfum des fleurs nouvelles, les prêtres étaient entourés d'honneurs, les temples étincelaient de magnificence. Partout des victimes, des jeux, des transports prophétiques, et dans le même temps le sang des citoyens coulait partout, versé par des citoyens jusqu'au pied des autels. Cicéron n'essaya pas de chercher un asile dans un temple, parce qu'avant lui Mucius Scaevola n'y avait pas évité la mort, au lieu qu'aujourd'hui ceux qui s'emportent le plus violemment contre le christianisme ont dû la vie à des lieux consacrés au Christ, soit qu'ils aient couru s'y réfugier, soit que les barbares eux-mêmes les y aient conduits pour les sauver. Et maintenant j'ose affirmer, Certain de n'être contredit par aucun esprit impartial, que si le genre humain avait reçu le christianisme avant les guerres puniques, et si les mêmes malheurs qui ont désolé l'Europe et l'Afrique avaient suivi l'établissement du culte nouveau, il n'est pas un seul de nos adversaires qui ne les lui eût imputés. Que ne dirait-il point, surtout si la religion chrétienne eût précédé l'invasion gauloise, ou le débordement du Tibre, ou l'embrasement de Rome, ou, ce qui surpasse tous ces maux, la fureur des guerres civiles, et tant d'autres calamités si étranges qu'on les a mises au rang des prodiges, à qui les imputerait-il, sinon aux chrétiens, si elles étaient arrivées au temps du christianisme? Je ne parle point d'une foule d'autres événements qui ont causé plus de surprise que de dommages, et en effet que des bœufs parlent, que des enfants articulent quelques mots dans le ventre de leur mère, que l'on voit des serpents voler, des femmes devenir hommes et des poules se changer en coqs, tous ces prodiges, vrais ou faux, qui se lisent, non dans leurs poètes, mais dans leurs historiens, étonnent plus les hommes qu'ils ne leur font de mal. Mais quand il pleut de la terre, ou de la craie, ou même des pierres, je parle sans métaphore, voilà des accidents qui peuvent causer de grands dégâts. Nous lisons aussi que la lave enflammée du mont Etna se répandit jusque sur le rivage de la mer, au point de briser les rochers et de fondre la proie des navires, phénomène désastreux, à coup sûr, quoique singulièrement incroyable. Une éruption toute semblable jeta, dit-on, sur la Sicile entière une telle quantité de cendres que les maisons de Catane en furent écrasées et ensevelies, ce qui toucha les Romains de pitié et les décida à faire remise aux Siciliens du tribut de cette année. Ce désastre eut lieu l'an de Rome 637. Voyez Eurose, livre 5, chapitre 13. Enfin, on rapporte encore que l'Afrique, déjà réduite en ce temps-là en province romaine, fut couverte d'une prodigieuse quantité de sauterelles qui, après avoir dévoré les feuilles et les fruits des arbres, vinrent se jeter dans la mer comme une épaisse et effroyable nuée. Rejetées mortes par les flots, elles infectèrent tellement l'air que, dans le seul royaume de Massinissa, la peste fit mourir 80 000 hommes, et, sur les côtes, beaucoup plus encore. À Utique, il ne resta que des soldats de 30 000 qui composaient la garnison. Est-il une seule de ces calamités que les insensés qui nous attaquent, et à qui nous sommes forcés de répondre, n'imputassent au christianisme, si elles étaient arrivées du temps des chrétiens? Et cependant ils ne les imputent point à leur Dieu, et, pour éviter des maux de beaucoup moindres que ceux du passé, ils appellent le retour de ce même culte qui n'a pas su protéger leurs ancêtres. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.